décembre, faut dire ça tombe mal. J'ai des trucs de prévu, la manche avec Polo. Noël en décembre, ça me casse le moral. Quand on est à la cloche, y'a pas de jour de repos. Noël en décembre, y'a un peu trop d'étoiles. Ça me brouille la tête et je baisse les yeux. Noël en décembre, j'ai le cœur qui a mal. Assis sur le trottoir où j'attends mon Polo. Là, sous mon lampadaire, je regarde passer des tas de gens qui s'affairent. Ils ont les bras chargés, tout le monde réveillé. Ce soir c'est le 24, les lendemains s'étonnent tout seul dans la baraque. Noël en décembre, faut dire ça tombe mal. Mais ce n'est pas très grave, on va se consoler. Un morceau de fromage et un bout de pâté. Polo a fait les courses, il sourit, c'est l'été. Là, sous le lampadaire, on regarde passer des tas de gens qui s'affairent. Ils ont les bras chargés, tout le monde réveillant. Ce soir c'est le 24, les lendemains s'étonnent tout seul dans la baraque. Tous les deux, on est bien ensemble. Polo, moi et notre liberté. Là, sous le lampadaire, on regarde passer des tas de gens qui s'affairent. Ils ont les bras chargés, tout le monde réveillant. Ce soir c'est le 24, les lendemains s'étonnent tout seul dans la baraque. Noël en décembre, quoi de plus normal? Polo a fait les courses, il sourit. C'est l'été.